Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, attentat du 13 novembre, les dessous d'un procès historique. Une série de Michel Pomarède, réalisée par Julie Béressy. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce que ce mercredi 8 septembre 2021 a commencé le procès qui, pendant 9 mois, va tenter de retracer et de comprendre chaque rouage de ce qui a mené à ces actes de terrorisme au cours desquels 9 terroristes ont tué 130 personnes et en ont blessé 430. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, une victime d'un attentat plus ancien qui, elle aussi, est passée par l'étape du procès, qui partage son expérience avec les victimes de 2015, les conseils et les entoure. Et un père qui a pris la plume et tente de se préparer à ce procès difficile et inédit. Mais pour commencer, premier épisode, on remonte le temps, 25 juillet 1995, dans la station de RER Saint-Michel. Attentat du 13 novembre 2015, les dessous d'un procès historique. Michel Pomarède, Julie Béressy. La préparation des victimes. C'était hier soir dans le deuxième sous-sol de la station Saint-Michel. Nous sommes quelques minutes après l'attentat. Image impressionnante de calme et d'organisation. La décision vient tout juste d'être prise de soigner sur le champ et sur les quais tous les blessés graves. À quelques mètres du lieu de l'explosion, le corps d'un passager que les médecins tentent encore de sauver. Dans les couloirs du RER commence un interminable défilé de brancards. Il faudra près de 2 heures aux 500 secouristes présents sur les lieux pour dégager toutes les victimes. Le bilan ce soir de cet attentat à l'explosif est donc de 7 morts, 60 blessés, dont 10 dans un état très grave. Et l'on se souviendra longtemps de cette brasserie transformée en poste médical avancé. Les habitants du quartier n'oublieront pas de sitôt la noria d'hélicoptères et d'ambulances, image de guerre en plein cœur de Paris. 25 juillet 1995, ligne B du RER, gare Saint-Michel. Le train entre dans cette station. Noël Chepansky, qu'est-ce qui se passe? À 17h27 exactement, une bombe explosait. J'étais à quelques mètres de la bombe. Dans la voiture en face, les blessés. Moi, j'étais protégée par la carrosserie de la voiture, dirons-nous. J'étais projetée au sol. J'ai dû attendre jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui a réussi à ouvrir une porte et qui a dit « il faut sortir la dame parce qu'elle va brûler vive ». Effectivement, les flammes étaient sous les voitures, puisque moi j'étais la voiture juste derrière la bombe et en plus j'ai vu ce que je n'aurais jamais dû voir. C'était en 1995. Est-ce que avec vous, on pourrait raconter la chronologie jusqu'à aujourd'hui, Noël? Qu'est-ce que vous avez traversé? Et notamment, donc en épreuve physique, en reconstruction, mais aussi l'épreuve des procès. Alors, après l'attentat, c'est pas moi, c'est ma femme, c'est mon frère et ma mère qui m'ont déclaré auprès des autorités, comme quoi j'avais été blessée dans l'attentat. C'était au palais de justice. Et là, j'étais déclarée victime, reconnue aux anciens combattants. Tout de suite, on m'a demandé si je voulais me faire porter partie civile. J'étais tout de suite d'accord, parce que bon, j'étais consciente. Et là, le cauchemar, il commence. Alors, il faut savoir que malheureusement, quand on est victime d'un acte de terrorisme, alors, il y a deux choses. Vous survivez ou vous ne survivez pas. Alors, La première chose, c'est que quand vous survivez, vous vous culpabilisez, parce que pourquoi il y a des morts, et puis vous, vous survivez, vous êtes vivant, enfin vivant de ce qui reste, et après, pour pas mal de victimes, le cauchemar commence. Dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle. Noël, est-ce que vous avez fait beaucoup de séjours en hôpitaux ? Alors moi, j'ai fait des séjours, j'ai fait beaucoup de séjours à l'hôpital, mais en ambulatoire. Je venais le matin, je repartais le soir, j'étais suivie sur deux hôpitaux militaires sur lesquels un ne pouvait pas faire sans l'autre. Le problème, c'est que j'accumulais acouphènes, j'entends plus de mon oreille droite, et c'était très pénible, quoi. Je peux pas aller au théâtre, je peux pas aller au cinéma, je peux pas aller dans un endroit festif où il y a de la musique, je ne peux pas aller au concert, parce que pourquoi ça fait beaucoup de bruit et c'est insupportable. Prendre le train, ça m'est insupportable. Je suis obligée de prendre la ligne B du RER pour aller travailler. Je ne dis rien, j'encaisse les coups, mais je suis obligée parce que je vais travailler. Mais autrement, si je pouvais m'en dispenser, je m'en dispenserais. Entre 1995 et 2002, date du procès, qui vous a aidé ? Vers qui vous vous êtes tourné ? Est-ce que vous aviez une avocate ou un avocat ? Est-ce que le fonds de garantie des victimes du terrorisme, vous l'avez saisi ? Est-ce que vous avez eu des compensations financières ? Racontez-moi ce parcours. Alors d'abord, quand vous vous faites porter partie civile, vous avez une préparation, vous suivez au palais de justice des préparations de procès. Nous, à l'époque, c'était le juge Bruguière et tout son staff qui nous convoquait à des réunions au palais. Nous avions des réunions à l'époque avec SOS Attentat, qui SOS Attentat avait missionné, dirons-nous, un avocat, donc avec qui on était en relation, et qui c'était lui qui nous informait par courrier ou par téléphone de la marche à suivre. Alors d'abord, à commencer par SOS Attentat, on s'est retrouvés confrontés avec les familles des personnes qui avaient perdu quelqu'un, qui étaient décédées. Et puis moi, ça a créé des liens avec des survivantes. Et alors, on se contactait entre nous jusqu'au procès, on se faisait petites réunions, on s'invitait à dîner ou à déjeuner, enfin bon. Mais à quoi vous vous êtes préparé ? Est-ce que vous êtes préparé à avoir des réponses ? Est-ce que vous êtes préparé à avoir des déceptions ? Parce que le procès de 2002 a duré 5 semaines. Mmh. Est-ce qu'on vous a dit de peut-être pas y aller tous les jours ? À quoi vous êtes préparé exactement pour ce procès en 2002 ? On se prépare qu'il faut y aller tous les jours. Après, c'est chacun. Pour moi, il fallait que j'y aille tous les jours. C'était indispensable. Moi, il fallait que je sache. C'est là qu'on a appris ce qui s'est passé, comment s'est préparé l'attentat, comment ils ont pu arriver à arrêter les terroristes. Et puis, c'était important pour moi de les voir dans le box des accusés. Voir mes bourreaux, c'est important. En plus de ça, objectif. Moi, mon objectif, au départ, je m'étais dit, il faut leur faire baisser la tête. Quand vous êtes en cours d'assises, c'est un petit peu plus difficile. Mais je suis allée à la barre, quand on m'a demandé d'aller à la barre, je suis allée à la barre et je dis pas que j'en suis ressortie plus soulagée, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Difficilement, c'est pas facile. Et moi, pour moi, il était important en allant à la barre de dire un mot. Pourquoi ? Voilà. Pourquoi ? Pourquoi on a subi ça ? Pourquoi ? Déjà, ça permet de s'envoyer une petite bulle d'air et ça permet aussi que les terroristes entendent ce mot. Pour moi, il est important qu'ils entendent ce mot parce que eux, ils savent, mais moi, je sais aussi, mais Pourquoi s'attaquer à des innocents, ça a du mal à passer. À l'issue du procès, il y a eu un verdict. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Alors là, j'étais très émue. Moi, personnellement, ayant frisé la mort de très près, j'ai dit que c'était le plus beau jour de ma vie. Voilà. Comme toutes les victimes, nous avons des compensations financières. Ça, c'est par rapport à votre préjudice, vos blessures, le préjudice psychosomatique, disons psychique. Alors, on est pris par le fonds de garantie. Alors, nous avons des avocats qui traitent, qui sont spécialisés pour les blessures. Hein. Il y a des avocats qui sont spécialisés pour les blessures d'attentat. Et en général, une victime a deux avocats, une pour le pénal, une pour les blessures. J'avais fait une rechute, mon avocate a passé mon dossier, qui a passé très difficilement au fonds de garantie, et un jour elle m'a convoquée, elle m'a dit « voilà, maintenant il faut aller en cours de cassation ». J'ai pas hésité, hein. J'ai pas hésité. Et moi, ce que j'ai fait, beaucoup de victimes en ont profité. Noël Chepansky, la somme que vous avez reçue, est-ce que ça a valeur de réparation de la société qui vous reconnaît comme victime ? Et à quoi a servi cet argent au niveau symbolique ? Ben, vous savez, l'argent, les sommes qu'on nous alloue, c'est vrai, c'est une reconnaissance. Bon, j'emploie toujours ce mot, mais je suis obligée de l'employer. Mais bon, ça va, c'est vrai, c'est sûr, ça va jamais à la hauteur de ce que vous avez perdu. Moi, j'ai perdu mon travail 3-4 ans après. Bon, moi, j'ai fait... j'étais victime... Enfin, moi, je trouve qu'on s'est mal occupé de moi, que encore maintenant, je vais être obligée... 24 ans après, je vais être obligée encore de saisir la justice, quoi. Enfin, c'est... Quand on parle d'une victime du terrorisme, c'est quelque chose... C'est un mot, c'est des mots qu'on peut pas... on dit où ça fait peur, j'arrive même pas à me l'expliquer moi-même, où ça fait peur, ou ces gens-là, ils sont plus qu'à mettre au rebut. Vous voyez, on est encombrant pour la société. Je ne devrais pas employer ces termes-là, mais je suis obligée de les employer. Le 13 novembre 2015, attentat multiple dans Paris, 130 morts, 500 blessés. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là, Noël Chepansky ? Ben, moi, ce que j'ai ressenti, je ne ressens pas, je suis dedans. Je ne ressens rien, je suis dedans. Voilà. C'est même pas la peine qu'on me décrive ce qui s'est passé, je suis dedans. Le 13 novembre 2015, attentat du Bataclan, Lola, 28 ans, est morte. Et Lola, Georges Staline, c'était votre fille. Et à partir de cette date, vous avez été dans l'action. Vous avez présidé l'association 13 novembre Fraternité et Vérité. Vous avez été médiatisé, vous avez choisi cette médiatisation. Vous avez écrit un livre au nom de votre fille, Lola. Vous avez même écrit récemment un livre avec le père d'un terroriste. Vous avez aidé les autres. Qui vous a aidé ? Beaucoup de gens m'ont aidé, à commencer par mes amis de l'association que j'ai créée avec eux, 13 novembre Fraternité Vérité. Toutes les autres victimes des attentats passés que j'ai rencontrés. J'ai rencontré des victimes d'attentats fort lointains, le plus ancien étant celui du Milk Bar à Alger en 1956. Dont je connais très bien une des survivantes. Elle avait 5 ans à l'époque. Elle a perdu sa jambe et sa grand-mère ce jour-là. Ils étaient allés manger une glace. C'est devenu une amie. Elle s'appelle Danielle Michel Chiche. et les victimes des attentats lointains, non pas dans le temps mais dans l'espace, dans le monde entier. Je suis très, très proche d'une des victimes de l'attentat du marathon de Boston le 15 avril 2013. Mais je connais d'autres victimes des attentats de Bali, par exemple. Alors, donc, les autres victimes m'ont aidé, mais il faudrait ajouter à cela beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Et je dois dire que mon avocat, Jean Reinhardt, a été un soutien constant. C'est aussi un proche de victime des attentats du 13 novembre 2015, mais il a fait preuve vraiment d'une présence et d'un engagement exceptionnel, et je l'en remercie. Est-ce que les acteurs officiels de l'État, comme le Fonds de garantie, vous ont été d'une quelconque aide? Est-ce que vous avez reçu des compensations financières? Est-ce que vous les avez acceptées? Est-ce que vous avez été en contact avec d'autres acteurs officiels? En l'occurrence, moi, je me suis adressé à Paris Aide aux Victimes. J'ai été très, très bien accueilli et soutenu par Paris Aide aux Victimes. Donc, ce sont des associations qui fournissent des conseils juridiques et des conseils psychologiques. En ce qui concerne le fonds de garantie, j'ai reçu une aide financière pour les obsèques. Il y a une indemnisation. Mes relations avec le FGTI ne sont pas soldées. Je suis toujours en pourparlers par l'intermédiaire d'une autre avocate. Je n'avais jamais eu d'avocat de ma vie. J'en ai plusieurs maintenant. J'en ai même trois. Mais pour ce qui concerne le FGTI, on est toujours dans des discussions, ça traîne, ça n'en finit pas. Et les relations avec le FGTI, pour moi, mais c'est le cas pour beaucoup de victimes, ne sont ni fluides, ni optimales, ni forcément sympathiques. Georges Chaline, un mot sur votre médiatisation voulue et sur la publication de vos livres à destination du grand public, traumatisé comme spectateur, sidéré devant son petit écran peut-être par les événements. C'est main tendue vers les autres. D'où vous est venu ce courage ou cette volonté de partager votre douleur, mais aussi de la dépasser? Alors d'abord, c'est jamais, parce que quelquefois c'est l'idée qui vient à certaines personnes mal intentionnées, mais ça n'est jamais venu d'un désir de profiter d'un quart d'heure warholien et de gloire médiatique, pas du tout. Bien sûr, j'aurais préféré ne jamais avoir à être médiatisé, mais c'est néanmoins venu très tôt. Je peux dire que c'est venu dès le 14 novembre, parce que j'avais eu des relations avec la presse au cours de cette journée épouvantable où je cherchais à savoir si ma fille était vivante ou morte, et j'avais lancé des appels, y compris par voie de radio. Et donc j'avais donné mon numéro de téléphone, et le téléphone a continué à sonner après que j'ai appris la mort de ma fille. Et j'ai décidé de répondre à ce moment-là. J'ai décidé de répondre pour deux raisons, parce que j'avais deux messages à faire passer. Le premier, c'est que je voulais témoigner de l'expérience que je venais de vivre, c'est-à-dire le fait d'avoir dû, pendant 18 heures, chercher ce que devenait ma fille à travers un dédale de standards téléphoniques et des déplacements dans les hôpitaux, à l'Institut médico-légal, etc. Une annonce du décès dans des conditions assez inhumaines. Donc je voulais dire, manifestement, les dispositifs de prise en charge d'informations aux victimes ont été complètement débordés par cet événement. Il y a lieu de se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Et puis, mais j'avais aussi un deuxième message qui est devenu ensuite mon cheval de bataille jusqu'à aujourd'hui, en fait, qui était que le phénomène de la violence terroriste était absolument insupportable, qu'on ne devait pas donc le supporter, le tolérer. Il fallait donc le combattre, mais de manière efficace, sans récupération, sans gesticulation, sans détournement, sans utilisation pour à des fins politiciennes. Et donc, il fallait vraiment réfléchir à ce qu'on faisait. Georges Staline, vous êtes médecin. Est-ce que la médiatisation, la publication, votre action, votre engagement, c'était une façon de soigner le corps social? Et est-ce que c'était aussi une forme d'automédication? Alors non seulement j'étais médecin, mais j'étais médecin de santé publique. Donc effectivement, un médecin de santé publique n'a pas des patients individuels, mais s'occupe de la santé de la population et considère que pour améliorer la santé de la population, on doit agir collectivement. Et on sait en santé publique qu'en fait, la prévention a un impact beaucoup plus fort que le traitement. Donc cette expérience, d'une certaine manière, m'a guidé dans les engagements que j'ai pris. Est-ce que ça a eu un effet pour vous, personnel? Oui, alors, pour moi, ce que j'ai fait de plus directement thérapeutique pour moi, ça a été d'écrire dans les mois qui ont suivi, dans les semaines et dans les mois qui ont suivi le 13 novembre. J'avais un peu de mal à dormir, surtout le matin, je me réveillais très tôt, et j'écrivais. J'écrivais sur la vie, sur la mort, sur le deuil, sur ma fille, mais aussi sur des réflexions plus générales sur ces événements, parce que j'avais besoin de comprendre, de mettre du sens à ce qui n'en avait pas beaucoup. Hein. Et lorsque j'écrivais à ce moment-là, dans cette période-là, je n'avais aucune intention de publier ce que j'écrivais. Je me parlais à moi-même. Et c'est mon fils aîné qui, voyant que j'écrivais, m'a demandé à lire. Et l'ayant lu, m'a dit « Ce texte pourrait aider d'autres personnes et donc tu devrais le publier, ce que j'ai fait. » Septembre 2021 s'ouvre le procès des attentats multiples parisiens. Est-ce que vous, Georges Staline, vous allez assister à ce procès? Oui, alors c'est un procès qui va durer 8 mois avec des journées, même si les magistrats qui s'occupent de l'organisation négocient avec les avocats de manière à ne pas tenir 5 jours par semaine du petit matin jusqu'au soir, mais quand même ça va être des journées très lourdes, donc je ne pense pas y assister tout du long, tout le temps, parce que tout simplement j'ai pas envie de qu'on me vole en plus 8 mois de vie supplémentaires en m'empêchant de faire quoi que ce soit. J'ai une petite fille que j'ai envie de voir aussi. J'ai des actions en cours auxquelles je ne renoncerai pas, mais dans toute la mesure du possible, j'essaierai d'assister au procès, de me tenir informé de ce qui se passe. J'ai l'intention de déposer à la barre parce que c'est notre histoire et c'est un procès qui va être important. Comment vous vous y préparez? Peut-être physiquement, intérieurement, voilà. Est-ce que vous vous sentez prêt? Pas encore tout à fait, mais je m'y prépare. Nous y préparons tous, plus ou moins. Hier soir, nous avons eu une réunion en visioconférence pendant 3 heures, organisée par différentes associations, la FVT, Association française des victimes du terrorisme, la FENVAC, Fédération nationale des victimes d'attentats et de catastrophes, 13-11-15, l'association de victimes des attentats du 13 novembre. Plusieurs les avocats de ces associations étaient présents, donc on a pu poser des questions sur tous les aspects pratiques et les enjeux du procès. Les avocats reçoivent leur client individuellement. Moi, j'ai déjà eu une réunion avec le cabinet de Jean Reinhardt et ses collaborateurs. On en aura une seconde en juillet. On va aller visiter le lieu où aura lieu le procès. On va travailler, puisque je vous ai dit qu'on souhaitait déposer, donc on va bien réfléchir à ce qu'on souhaite dire. Voilà, c'est cette manière qu'on se prépare. J'ai relevé le mot de vérité judiciaire qui était votre quête peut-être depuis le 16 novembre 2015. Est-ce que c'est ça que vous attendez du procès qui s'ouvre le 8 septembre 2021 ? Pas vraiment. C'est-à-dire que alors le pourquoi m'intéresse davantage et l'état d'esprit des accusés m'intéresse davantage aussi. Là aussi, mes attentes sont modestes parce que bon, c'est déjà que certains accusés, pour le moment, ça peut changer, mais sont dans une attitude plutôt de refus de parler, de mutisme. Comment ils vont être côte à côte dans le box, on peut penser qu'ils vont s'observer les uns les autres. Et donc, si certains refusent de parler, d'autres oseront-ils parler ? C'est pas évident. S'ils décident de le faire, y a un risque de déclaration intempestive, provocatrice, désagréable pour tout le monde. Ça va être plutôt des moments douloureux. S'ils décident au contraire de faire amende honorable, dans ce contexte, quel crédit peut-on accorder à des demandes de pardon alors même si on n'a pas vraiment affaire là à des seconds couteaux, hein, mais y a quand même une gradation des responsabilités. Donc c'est ceux qui sont dans la queue de la liste pourront éventuellement chercher à tirer un peu leur épingle du jeu au moment des sentences. Donc là aussi, sur ce plan, mes attentes sont modestes. Finalement, je pense que la partie la plus intéressante du procès pour moi pourrait être les dépositions des victimes. Le très grand nombre de dépositions de victimes auxquelles on peut s'attendre va donner la dimension du drame qui a été vécu et le poids de l'impact qu'ont pu avoir ces attentats. Donc ça pour moi c'est une attente. Donc vous attendez une catharsis nationale. Catharsis, non, pas exactement, mais une prise de conscience, une attention renouvelée, parce que bien sûr la mémoire s'efface de ces événements. Noël Chepansky, quand je vous ai posé la question de votre réaction aux attentats du 13 novembre 2015, vous m'avez répondu « je suis dedans ». Vous venez d'écouter Georges Saline. Vous avez traversé, vous, les procès de 2002, 2003, 2007, 2009. Donc vous avez une expérience de vos attentes et peut-être aussi de vos déceptions. Qu'est-ce que vous pourriez dire à Georges Saline, qui est à côté de vous, de ce qu'il attend ? Un procès, c'est vital. Il faut qu'il y ait un procès. Le pire, c'est quand c'est par contumace. Là, il n'y a personne dans le box des accusés. Ça n'a pas été notre cas, mais je pense que ça doit être un peu plus difficile à gérer parce qu'on n'a personne sur qui se tourner. Quand vous passez à la barre, c'est important de les regarder, d'être là. Il y a tout un schéma qui est très important. Est-ce que regarder Abdeslam, Salah Abdeslam dans les yeux, c'est ça que vous attendez aussi, Georges Saline ? Oui, Salah Abdeslam et les autres, hein, parce qu'on parle beaucoup de Salah Abdeslam parce qu'il était présent à Paris le 13 novembre, mais il y a plusieurs accusés qui avaient des niveaux de responsabilité probablement aussi forts, voire plus forts que lui, dans le commando, dans la logistique des opérations. Donc oui, on a cette chance d'avoir un procès où on a des personnes qui ont été vraiment directement impliquées, bien sûr pas tous, puisque une grande partie sont mortes le 13 novembre, et une grande partie, en ce qui concerne les commanditaires, sont également décédées, mais en Syrie, pour la plupart, dans des attaques aériennes. C'est-à-dire donc, Georges Saline, ce que vous attendez, c'est le jour du verdict ? J'attends pas de vengeance. J'attends la, je, je demande la justice. Je demande la justice pour moi et pour tous les autres. Hein, donc, quelquefois, on me pose des questions sur la notion de pardon. Il est hors de question de pardonner, ne serait-ce que parce que je ne peux pas pardonner le mal qui a été fait aux autres, qui a été fait à ma fille, mais qui a été fait à tous les autres. Hein, à supposer même que quelqu'un me demande pardon, mais ça c'est pas possible. Et voilà, j'attends que justice soit faite. Noël Chepansky. Oui, alors moi je donnerais un conseil à Georges Saline. Surtout, vous y allez, pas de haine. Pas de haine. Pas pardonner, mais pas de haine. Pas rentrer dans le jeu de la haine. J'ai vu des victimes le faire. Ça ne sert à rien. Noël Chepansky, vous avez attendu 7 ans un procès après l'attentat de 1995, donc il a eu lieu en 2002. Georges Saline, vous avez attendu 6 ans le procès de 2021 après les événements de 2015. L'attentat des Rosiers, 1982, le procès n'a toujours pas eu lieu et aura lieu peut-être l'année prochaine. Est-ce que vous deux avez croisé les victimes de cet attentat de 1982 rue des Rosiers ? Oui, puisque quand il y a un procès, on retrouve des victimes d'anciens attentats. Donc, je vous dis, la rue des Rosiers, je sais qu'il y a une dame qui venait régulièrement, qui était dans l'attentat de la rue des Rosiers. Il y a eu la rue de Rennes. Et ça, c'est un soutien énorme. C'est un soutien énorme parce que, déjà, là, on se dit, y a quand même quelque chose entre attentats, entre victimes qui passe. Et c'est absolument, je trouve ça très bien. Et moi, c'est pour ça que je le ferai. Je suis d'accord avec Noël. Il y a une communauté d'expérience qui a d'un grand soutien, d'un grand réconfort et qui peut être. Alors, c'est moral, bien sûr, mais ça peut être aussi sur des choses extrêmement pratiques. Par exemple, pour les blessés, il y a des gens qui ont des blessures similaires, qui ont perdu un membre, qui peuvent s'échanger des conseils thérapeutiques. Et puis pour les personnes en deuil aussi, comme moi, le deuil d'un enfant, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient vécu le deuil d'un enfant, pas seulement d'ailleurs à l'occasion d'un attentat terroriste, hein, parce que alors il y a une spécificité de l'attentat parce qu'il y a l'intentionnalité, mais j'ai rencontré des parents qui ont perdu leur enfant suite à des crimes, suite à des accidents, et leur souffrance n'est pas moindre. Hein. Julien Rinsky, vous êtes le directeur général du Fonds de garantie des victimes. C'est ainsi que se nomme maintenant l'organisme depuis 2020. Est-ce qu'avec vous, on pourrait reprendre la chronologie depuis, on va dire, le 13 novembre 2015, date des attentats multiples qui ont fait 130 morts et 500 blessés dans Paris? À quel moment le Fonds de garantie est saisi et comment ça se passe sur ces 6 dernières années? Alors le Fonds de garantie, il est saisi à la fois très rapidement après l'attentat, mais il peut encore être saisi dans la durée, plusieurs années après. Les victimes ont 10 ans pour saisir le fonds de garantie. Et depuis le début de cette année 2021, 25 victimes du 13 novembre nous ont saisis. Donc notre mission à nous, fonds de garantie, c'est de nous adapter au temps des victimes, d'être présents au plus vite après l'attentat et de rester présents dans la durée, et parfois dans la longue durée. Est-ce qu'on peut revenir quand même sur le parcours d'une victime qui vous sollicite? C'est pas automatique, c'est pas parce qu'elle a rempli un questionnaire en disant que j'étais présente que 6 mois après, elle reçoit une indemnisation. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les barèmes? Et quel type de personne elle rencontre ici, médecin, psychologue ou autre, pour évaluer son degré de stress ou de blessure? Alors, le parcours des victimes, encore une fois, il est très différent selon les situations. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la première chose, c'est la saisine du fonds de garantie, soit à l'initiative de la victime, soit que le fonds de garantie lui-même prennent contact avec la victime. Je pense notamment aux victimes blessées physiques. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'éligibilité à l'indemnisation. Là, notre mission, c'est de prendre en compte de la manière la plus bienveillante, la plus rapide, les victimes, tout en ayant bien sûr une vigilance, puisque malheureusement, on sait qu'il peut exister des fausses victimes, ce qui est une situation extrêmement marginale, mais qui peut exister. Donc je dirais bienveillance et en même temps vigilance. Dès lors que la victime est reconnue comme telle, nous allons très rapidement lui verser ce qu'on appelle les premières provisions. C'est-à-dire que sans attendre la fin de l'indemnisation, qui est un processus qui se veut très complet et qui pour cette raison est assez complexe, eh bien sans attendre l'issue, nous allons verser une ou plusieurs provisions pour permettre à la victime de faire face à ses premiers besoins à la suite de l'attentat. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle une expertise médicale qui va permettre à un médecin expert spécialisé, soit un somaticien, soit un médecin psychiatre, d'évaluer le retentissement de l'attentat sur une victime donnée. Chaque victime confrontée à l'attentat a un retentissement qui lui est propre en fonction de ce qu'elle est. Et donc c'est un médecin spécialisé, indépendant, qui va réaliser cette expertise et qui va estimer que la victime, l'état de santé de la victime est désormais stabilisé, ce qu'on appelle consolidé, ce qui peut prendre quelques années. Et ce moment est important puisque c'est le moment où on pourra constater les séquelles définitives de la victime. C'est-à-dire que l'état de santé de la victime, malheureusement, ne va pas s'améliorer ou heureusement ne va pas plus se dégrader. Et c'est à ce moment-là que l'indemnisation pourra être finalisée et que nous pourrons proposer à la victime une offre d'indemnisation, lui présenter cette offre, la discuter avec elle. Nous sommes dans une procédure amiable, voir si nous pouvons aboutir à cet accord amiable. Si ce n'est pas le cas, la victime peut saisir le juge de l'indemnisation des victimes d'attentats qui déterminera le montant de l'indemnité. Le nombre de gens qui vont au contentieux, c'est quoi ? Le pourcentage, c'est quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ce pourcentage, il reste assez faible, puisque c'est de l'ordre de 5% des victimes qui saisissent le juge de l'indemnisation. Il est possible que ce pourcentage augmente. Là, Julien Rasquet, vous parlez des victimes directes. Est-ce que les familles sont considérées aussi comme des victimes ? Alors absolument, le fonds de garantie au total, à ce jour, il prend en charge 2600 victimes des attentats du 13 novembre. C'est à hauteur de 700 personnes des proches de victimes décédées, plus de 600 personnes victimes de blessures physiques, et puis à hauteur de la moitié du total à peu près, c'est des victimes de blessures psychiques. Les sommes allouées aujourd'hui, c'est quoi ? Alors au total, à ce jour, le fonds de garantie a versé à l'ensemble des victimes de l'ordre de 130 millions d'euros pour les victimes des attentats du 13 novembre. Encore une fois, ce processus d'indemnisation, il n'est pas terminé. Et donc, nous allons continuer à verser des indemnités aux victimes concernées de ces attentats. Donc, 130 millions, c'est le chiffre à ce jour. Nous n'avons pas d'enveloppe ou de budget dédié, le fonds de garantie versera l'ensemble des indemnités nécessaires pour les victimes. Est-ce qu'on peut rappeler que le fonds de garantie est abondé en fonds par une cotisation sur chaque contrat d'assurance à hauteur, si je ne m'abuse, de 5,90 €? Est-ce que la somme est toujours identique ? Absolument. Le fonds de garantie, c'est un service public qui est financé principalement par les contribuables au travers de cette contribution de 5,90 € sur les contrats d'assurance de dommages de biens. Julien Rasquet, est-ce qu'il y a des victimes qui refusent l'argent que vous proposez, vous, directeur général du fonds de garantie ? Alors, ce qu'on constate parmi les victimes, c'est plusieurs types de réactions à l'égard de l'indemnisation. Il peut arriver que des personnes qui ont perdu un proche lors des attentats ne souhaitent pas entendre parler d'indemnisation. À l'inverse, pour certaines victimes, l'indemnisation est la reconnaissance principalement attendue de la part de la société, de la part de l'État. Donc oui, il y a vraiment toutes les attitudes possibles à l'égard de l'indemnisation de la part de victimes qui sont représentatives de la diversité de la société française. Un certain nombre de victimes, en raison de l'attentat, ne sont plus en situation d'exercer le métier qui était le leur avant l'attentat. À ce titre, elles sont indemnisées. Mais ce que je constate, c'est qu'un certain nombre de victimes nous disent « c'est bien d'être indemnisé, mais est-ce que vous pouvez par ailleurs nous aider à retrouver un emploi ?» Et donc c'est pour ça que nous avons mis en œuvre un accompagnement spécifique sur la base de coachs spécialisés que nous avons recrutés pour accompagner ces victimes à retrouver un projet professionnel et ainsi à se reconstruire professionnellement. Je pense que c'est très important que l'indemnisation et que plus largement le rôle du fonds de garantie participe à cette reconstruction des victimes. Marie-Cécile Castel, vous êtes responsable de l'aide aux victimes ici au sein de l'Association française des victimes du terrorisme. À partir de septembre s'ouvre le procès des attentats. Quel va être votre rôle ? Alors notre rôle principal sera d'accompagner les parties civiles et victimes de cet attentat lors du procès. Alors avec 13-11-15, Fraternité Vérité et la FENVAC, Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Nous avons mis en place un certain nombre d'actions en amont du procès pour accompagner ces personnes-là, notamment une réunion d'information pour les parties civiles qui s'est déroulée hier soir en visioconférence pour répondre à leurs questions pratiques d'organisation, de salles, construction de salles, de badges, également de gestion des médias. Comment faire ? Il y aura des badges de différentes couleurs pour les personnes qui souhaitent être interviewées et celles qui refusent d'être interviewées. Donc c'était expliquer ces éléments, également expliquer l'existence d'une web radio, donc c'est une première pour un procès. Également répondre à leurs questions pour les témoignages. Certaines personnes ne savent pas si elles veulent témoigner, ce que ça implique, est-ce que c'est une obligation en tant que partie civile, comment ça se passe, comment on prépare aussi ce témoignage. Donc c'était répondre à toutes ces questions. Concernant le procès en lui-même, nous allons, avec la FENVAC, mettre en place un compte-rendu d'audience. Donc nous serons là tous les jours aux audiences pour prendre en note l'entièreté des débats, donc les questions, les réponses, les auditions des parties civiles, les témoignages des témoins, les plaidoiries. Donc en note brute, pour avoir aussi ces archives pour nous et pour les personnes qui souhaiteraient, a posteriori, avoir par exemple la plaidoirie de leur avocat ou de nouveau leur audition, pouvoir revenir sur leur audition, pouvoir relire ces éléments. Et à partir de ces notes brutes, nous allons mettre en place des comptes rendus d'audience un peu plus courts par semaine d'audience avec les éléments phares de la semaine. Par rapport dans le nombre de gens qui étaient hier en réunion, donc 130 personnes connectées à ce canal web, ou les gens que vous côtoyez depuis quelques mois, comment vous sentez les gens ? Vous sentez les gens motivés d'aller sur place, motivés de plutôt rester chez eux, motivés de parler aux médias ? Comment vous les sentez ? Alors c'est assez compliqué. Je les sens plutôt... alors là, le procès arrive, donc il y a beaucoup de questionnements sur, encore une fois, les témoignages. C'est vraiment une question qui revient souvent. Est-ce que je suis obligée ? Est-ce que je vais... Alors, on dit bien témoignage à la barre. Moi, je parlais de témoignage vis-à-vis des médias. Et concernant les médias, on a des personnes, comme je vous disais, il y aura des badges de couleur rouge pour ceux qui ne souhaitent pas être interviewés, des badges de couleur verte pour ceux qui acceptent. Et on a eu beaucoup de questions hier en disant si je change d'avis en cours de procès, est-ce que je vais pouvoir changer de badge au cours du procès pour être interviewé ou au contraire refuser une interview si j'ai un badge de couleur verte. Donc je pense que c'est encore des questions auxquelles eux-mêmes n'ont pas de réponse, ils ne savent pas encore. Et je pense que c'est pour ça que les sessions de media training aussi vont pouvoir aussi leur permettre de prendre position et peut-être aussi d'être rassurés face aux questions des médias, des différents médias, que ce soit et presse écrite, presse radio ou télé. Le Le 19 septembre 1989, c'est la date à laquelle le terrorisme est rentré dans votre vie, Guillaume Denoy de Saint-Mar. Et en fait, on est en 2021 et le terrorisme est toujours dans votre vie. Et le 19 septembre 1989, le DC-10 du TA qui survolait le désert du Ténéré a explosé en plein vol et votre père y est mort. Et depuis, vous êtes dans l'action au service des autres victimes, notamment du terrorisme. On est en 2021, 6 ans après les attentats multiples de 2015. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, directeur général de l'Association française des victimes du terrorisme, pour aider les victimes de ces attentats ? Écoutez, j'étais moi-même victime, et donc j'ai bien senti le besoin que j'avais de justice, de comprendre, etc. Et surtout le besoin, et ça m'est venu tardivement, le fait qu'il fallait que je reprenne le contrôle de ma vie. Cette histoire m'échappait. Parce que d'autres s'en occupaient, parce qu'il y avait des associations, parce qu'il y avait des juges d'instruction, enfin, etc. Et j'étais spectateur de ma vie. Je dirais même que j'étais ce qu'on appelle un survivant, c'est-à-dire que je ne vivais pas, j'étais en stand-by et je vivais au jour le jour. Et le jour où j'ai repris le contrôle de ma vie, c'est quand j'ai entamé des négociations avec le fils de l'assassin de mon père, c'est-à-dire avec le fils Kadhafi. Négociations qui ont duré 2 ans. Et qui m'ont amené à ce que la Libye reconnaisse sa responsabilité dans cet attentat. Et là, je me suis occupé d'abord de mon histoire et puis celle de mes copains, entre guillemets, qui avaient aussi perdu quelqu'un dans l'avion, quelles que soient les nationalités. Hein, il y avait 170 victimes de 18 nationalités dans l'avion. Et c'était un moment très fort où je me suis effectivement occupé de moi, occupé de ceux du même attentat, jusqu'à ce qu'on construise un mémorial dans le désert du Ténéré. Et là, ça a été le point final de mon histoire personnelle. Ce qui m'a permis, à ce moment-là, d'être disponible pour les autres. Et je crois que c'est très important qu'on ait vraiment ces étapes-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aider les autres tant qu'on n'est pas soi-même guéri d'une certaine manière. Alors, on ne sera jamais guéri à 100%, il restera toujours des séquelles. Mais c'est très important qu'il y ait ces étapes. Et toute la philosophie de la EVT, c'est de permettre à toutes les victimes de pouvoir justement, au maximum et le plus tôt possible, reprendre leur histoire, reprendre les éléments qui les concernent. Et le fait de participer à un procès qui vous concerne directement est un moment très important, mais en même temps très angoissant. On n'a pas envie d'y aller, on n'a pas envie de voir les personnes dans le box, on appréhende la foule, on appréhende les médias. C'est un moment pénible. Et beaucoup de victimes qui l'ont vécu disent à quel point ça a été pénible, mais en même temps, c'est un moment qui peut être libérateur, en tout cas c'est un moment qui concerne les victimes. Et donc, pour leur permettre de suivre ce procès dans les meilleures conditions, et surtout de les pousser à venir, les pousser, non pas à suivre tout, mais à suivre ce qui les concerne directement, les pousser peut-être aussi à témoigner, parce que c'est le moment, quand elles vont témoigner, c'est le moment où on va sortir de la théorie, et on vient sur l'humain, c'est-à-dire que chaque victime va raconter sa façon d'avoir vécu l'attentat, qu'elle ait été dans la fosse, qu'elle était sur une terrasse, ou si elle a perdu un proche, ou si elle était au Stade de France. Donc ces moments-là vont être des moments privilégiés pour tout le monde. Pour la victime, ça ne va pas un moment agréable, d'où le fait de la préparation, mais pour tout l'auditoire, je dirais pour le public, les médias, pour les auteurs qui sont dans le box, pour les avocats, pour le juge, pour les représentants de l'État, c'est très important qu'on remette de l'humanité, parce qu'on va revenir sur de l'humain. Qu'est-ce qui a changé dans le statut de victime entre 1995, donc par exemple ce qu'a vécu Noël Chepensky, et 2015, ce que vit Georges Saline ? Alors, l'attention du public et je dirais l'attention des pouvoirs publics a complètement changé en ce qui concerne les victimes du terrorisme et je dirais même les victimes en général. Et j'ai un peu la fierté de dire aussi que c'est l'évolution du statut de la victime du terrorisme qui a changé la politique publique de l'aide aux victimes en général. Pourquoi est-ce qu'on a été le moteur ? Parce qu'il est insupportable pour une victime du terrorisme qu'elle ne soit pas aidée par l'État. L'État est la cible véritable. La victime a un contentieux avec le terrorisme, elle a aussi un contentieux avec l'État, puisque c'est lui la cible, et la société. Et donc à ce titre-là, l'État a des dettes morales envers les victimes, de pouvoir l'accompagner au mieux. Du coup, en analysant l'ensemble des besoins des victimes du terrorisme, depuis de nombreuses années, on a réussi à faire bouger pas mal de choses qui aujourd'hui bénéficient à toutes les victimes. Notamment, il y a des mises en place de comités locaux d'aide aux victimes. Au départ, c'était spécifiquement pour le terrorisme. Maintenant, c'est étendu à toutes sortes de drames. Ça peut être climatique, ça peut être un accident collectif, etc. Tant mieux. Où tous les acteurs par département se connaissent avant qu'un événement arrive, ont prévu des modes opératoires pour mettre en place des cellules de crise, etc., etc., et des cellules de post-crise. Et tout ça est prévu à l'avance. Bien sûr, ça doit s'adapter à chaque situation, mais ça n'existait pas. Donc déjà, ça, nous sommes très contents que ce système-là ait été mis en place grâce au travail de la secrétaire d'État de l'aide aux victimes, Juliette Méadel, et ensuite tout le travail de la déléguée interministérielle de l'aide aux victimes. Tout ça, c'est co-construit. Il y a toute la place de la victime pendant le procès aussi, qui a été grandement améliorée. Notamment maintenant, on travaille beaucoup sur les procès à l'étranger. Comment est-ce qu'une victime française peut suivre un procès qui la concerne parce qu'elle a été blessée à l'étranger, alors que le procès a lieu dans un pays où en plus avec la Covid on ne peut pas aller. Comment peut-elle avoir accès à son droit fondamental d'accéder au procès? Un procès qui est dans une autre langue. Donc on est en train de travailler sur ces améliorations possibles. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a une prise en charge complète de l'État. Les victimes ont un droit à une aide juridictionnelle totale, sans condition de ressources. Il y a d'abord eu le fait que les victimes pouvaient être reconnues, les victimes décédées pouvaient avoir une mention spéciale sur leur acte de décès. Ça ne changeait pas grand-chose, mais c'est la première chose qu'on a réussi à obtenir. On a aussi obtenu, bien sûr, la mise en place du fonds de garantie, mais ça date de 86. Mais effectivement, pour des victimes d'avant 86, il n'y avait même pas la prise en charge financière. Aujourd'hui, elle est établie, elle s'améliore d'année en année. Il y a le fait aussi que maintenant, il y a une médaille de reconnaissance des victimes du terrorisme qui n'apporte rien, sinon d'établir les faits. Oui, j'ai été victime directe du terrorisme. Alors, ça peut être à titre posthume pour les personnes décédées, mais pour les blessés psychiques ou physiques, c'est aussi un moyen de reconnaissance de l'État, de « oui, on vous doit quelque chose de particulier ». Victimes civiles de guerre. Ce sont effectivement des victimes civiles de guerre, hors guerre. Ce qui était un peu, d'ailleurs, jusqu'ici, on était reconnus par l'ONAC comme des victimes civiles de guerre, hors guerre, ce qui n'était pas lisible. On a réussi à ce que ça soit changé en victimes du terrorisme, qui est quand même beaucoup plus explicite. Et les jeunes de moins de 21 ans peuvent être adoptés par la nation. Ils deviennent pupilles de la nation. Et ça aussi, ça permet toute une aide sociale, tout un accompagnement, tout au long de leur vie. C'est-à-dire qu'on est pupille à vie. Et l'ONAC est un organisme formidable qui travaille énormément sur ces sujets-là, avec qui nous collaborons. L'ONAC ? L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. D'ailleurs, ça s'appelle maintenant l'ONAC-VG, puisqu'on a rajouté victimes de guerre dedans pour intégrer les victimes du terrorisme. L'ONAC-VG est vraiment un partenaire fantastique pour nous. D'abord un partenaire financier, mais aussi un partenaire dans l'accompagnement territorial des victimes, puisqu'il y a des bureaux de l'ONAC dans chaque département. Il y a aussi, depuis peu, une journée nationale officielle. Il y avait pendant des années une journée qui était le 19 septembre, en référence au décès d'Isdutéa, justement, qui était l'attentat le plus meurtrier contre la France. Et SOS Attentat dans un premier temps, puis ensuite la EVT, et après avec l'aide de la FENVAC, nous avons continué à faire vivre cette journée nationale le 19 septembre, mais avec nos petits moyens et avec l'aide de l'État. L'État a pris ses engagements, et il y a maintenant le 11 mars, qui est la journée officielle, nationale et aussi européenne, de reconnaissance des victimes du terrorisme. Toute leur vie, elles seront des victimes du terrorisme. Mais plus on les met en avant et plus on reconnaît cet État, moins elles vont s'enfermer dans une position victimaire. Parce que le fait de reconnaître ce qui s'est passé nous permet, nous, d'avancer, nous permet d'être dans une dynamique positive qui nous permet de sortir de la position victimaire. Oui, c'est un fait. Nous sommes victimes du terrorisme. Mais bon, on n'est pas que ça. On est aussi des papas, des mamans, des entrepreneurs, des ouvriers, des boulangers. On peut faire du théâtre, on peut chanter, voilà. Ça fait partie de notre identité, c'est acté. Nous avons une médaille qui le dit, nous avons une reconnaissance et des documents qui nous le disent. Et maintenant, nous sommes dans la vie. La préparation des victimes, avec Noël Chepansky, Georges Saline, Julien Rinky, directeur général du Fonds de garantie, Guillaume Denois de Saint-Marc, directeur de l'Association française des victimes du terrorisme, et Marie-Cécile Castel, en charge des victimes et de l'action citoyenne dans la même association. Remerciements, Juliette Reinhardt. La série documentaire, mixage Cédric Chatelus, réalisation Julie Bérissy, un documentaire de Michel Pomared. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter sur l'île de la Cité, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Anaï Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter partout et tout le temps, le podcast, sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, le travail des avocats.